Ferme ta bouche, ni ta race, mais vas-y, casse-toi de là. Moi, na ma bé, ma ma bé, na faut qu'ils soient là. J'vois trop de maroba dans le périmètre. Bulldog John Master, ma bite combien de centimètres? Toujours les faux MC qui portent souvent à demi-teinte. Toujours les faux MC qui sont devenus des grosses timbres. Tu sais très bien, Boros, que nous on gère. Toi, t'es qu'une étrangère. Car tes mules font les tâches ménagères. J'aime quand tu as des couilles et puis stop la dépouille. J'aime quand la bague me fouille et puis tombe sur mes boules. Pire encore, les fumeux sont devenus des salopes. Aucune vocation, la hug c'est leur antidote. Joue toujours les ripoux qui boucavent tout partout. Joue, mais ton dernier mot ça sera le mot ventoux. C'est la barrière masta te fit qui fuck. La LF la place aussi elle te fit qui fuck. Moi na ma bé, masta ma bé, na faut qui m'en en fuck. T'inquiète pas, on gère, na faut qui m'en en fit qui fuck. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. Tu peux pas test, négro, tu peux pas test. Vas-y, jette de l'éponge, enlève ta veste. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. BRLS se plat dans tes tympans. Si tu chasses ma star, la fuck, il pique, il pan, pan. Oh yolti, les rappeurs, ce sont des phénomènes. On la rage aux dents, te plonge jusqu'à la domaine. Viens à la BR, tu verras Bulldog John. Le bulldozer qui rappe, à la face qui fique, qui fuck. Gaze, certains disent 1000 alors que j'ai dit 50. Te voile pas la face, 9-3 mytho 150. Puise dans ton vieux trou rouillé par le remix. C'est du mélomique, j'ai troué ton clitoris. Risque d'avoir une gueule gassinée par le vaudou. Tu crois que t'es bandit, tu connais pas Mobutu. Crie, Ali Boma Yemena Bomio. Tika di Petina Lobina Bomio. Pire quand tu restes en chien devant ton pote qui frime. Pire quand tu fais le bandit qui croit faire des gros crimes. Bulldog John Master, la fuck il m'en enfuit qui fuck up. T'inquiète pas, on gère, la fuck il m'en enfuit qui fuck up. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. Tu peux pas test, négro, tu peux pas test. Vas-y, jette de l'éponge, enlève ta veste. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. BRLS se plat dans tes tympans. Si tu chasses ma star, la fuck il pique, il pan, pan. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. Tu peux pas test, négro, tu peux pas test. Vas-y, jette de l'éponge, enlève ta veste. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. BRLS se plat dans tes tympans. Si tu chasses ma star, la fuck il pique, il pan, pan. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. Tu peux pas test, négro, tu peux pas test. Vas-y, jette de l'éponge, enlève ta veste. Ti gueule, ti gueule, ti gueule, ti gueule. BRLS se plat dans tes tympans. Si tu chasses ma star, la fuck il pique, il pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Bulldog John, la fucking motherfucker. Fuck off, fuck off, fuck off. Tu peux pas test, pas test, pas test, pas test, test. Nous on gère les bords et puis les pailles. Ton MC t'es mort et puis t'es taille. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Moi n'a ma bé, moi n'a ma bé, moi n'a ma bé. Beep, beep, beep.